Exercice 33, exercice test, masculin, féminin, des adjectifs. Vous allez entendre 10 phrases. Pour chaque phrase, déterminez si on parle d'un jeune homme ou d'une jeune fille. 1. Dominique est blonde. 2. Pascal est très fin. 3. Claude est sportif. 4. Michel est rousse. 5. Daniel est plutôt petit. 6. Pascal est grande. 7. Dominique est plutôt forte. 8. Michel n'est pas très vif. 9. Daniel est roux. 10. Michel est blond.